Est-ce que vous le ferez mettre à mort? Je l'y incline. Il y en a qui disent qu'un vieillard doit être rigoureux parce qu'il lui faut aller vite. Et encore, que la cruauté est le seul plaisir qui reste à un vieillard, que cela remplace pour lui l'amour. Selon moi, c'est aller trop loin. Mais je croirais volontiers qu'une des meilleures garanties de longue vie est d'être insensible et implacable. Voilà une cuirasse contre la mort. Si vous étiez si méchant, vous ne le diriez pas. Je vois que vous avez une profonde connaissance de l'âme humaine. Mais si Lorenzo Paiva n'était qu'à demi coupable, quel remords vous vous prépareriez? Les remords meurent, comme le reste. Et il y en a dont le souvenir embaume. Mais peut-être toute cette histoire va-t-elle se dissiper comme une fumée. Car savez-vous ce que je crois? Qu'elle a été inventée de toutes pièces, ou du moins sensiblement gonflée. Inventée? Il s'agit de m'humilier après l'humiliation du nonce. Les Africains n'oseraient jamais débarquer en Andalousie ou dans le royaume de Valence. On escompte que blessé, je voudrais blesser. Que souris ici, pour me revancher, je me ferai matou, là. Et matou contre qui? Contre Don Pedro et vous. Mais leur péril calculé déjoué, je vois trop clair dans leur machine. Si c'est une fable, Lorenzo Paiva ne sera donc pas exécuté. Ma foi, c'en pourrait être l'occasion. L'occasion? Mais l'exécuter pourquoi? Le grand amiral l'a dit. Nous avons besoin de coupables en ce moment. Or, Lorenzo Paiva est sûrement coupable de quelque chose. Tout le monde est coupable de quelque chose. Tous ceux qui sont en liberté ne savent pas ce qu'ils me doivent. Et tous ceux qui sont en vie. Mais de temps en temps, il faut dire non et sévir, à peu près au hasard, simple remise en main. On doit sacrifier encore des vies humaines, même quand on a cessé de prendre au sérieux leur culpabilité. Comme l'armure vide de la légende, qui, dressée contre le mur, assommait je ne sais quel personnage qui passait sous son gantelet de fer. Ou bien, je songe encore à cette histoire de notre roi Henri IV de Castille, à qui un certain sultan allait devoir rendre la ville de Trouille qu'il occupait, quand le roi meurt. Alors, les hommes du roi, craignant que le sultan ne s'endurcisse à défendre sa ville s'il apprend cette mort, installent le cadavre du roi dans un fauteuil, baissent la lumière dans la salle, tenez, comme dans cette salle-ci, et les envoyés du sultan rendent les clés de la ville au roi mort. Moi aussi, je me suis retiré, moi, toute mon âme, de mon apparence de roi. Et cependant, cette apparence reçoit encore les honneurs comme le cadavre du roi, ou bien tue encore et tue presque au hasard, comme l'armure vide. Le roi délire, cette magicienne l'ensorcelle, son réveil sera terrible. Il forcera au silence sans retour ceux qui auront surpris son secret. Il fera tuer la magicienne, mais moi aussi bien s'il me trouve ici. Comment le roi peut-il avoir déserté son armure? Lui qui me menait à la fenêtre il y a quelques jours et qui me disait « C'est moi qui maintiens tout cela. Voici le peuple avec qui j'ai un traité. » Inès, cette nuit est pleine de prodiges. Je sens que je m'y dépasse, que j'y prends ma plus grande dimension, celle que j'aurai dans la tombe, et qu'elle est faite pour que j'y dise des choses effrayantes de pureté. Quand j'ai dit « Il y a mon peuple », je ne mentais pas, mais je disais des paroles d'habitude auxquelles j'avais cru un jour, auxquelles je ne croyais plus tout à fait dans l'instant où je les disais. J'étais comme une vieille poule qui pondrait des coquilles vides. Seigneur... Ne soyez pas surprise, j'aime me confesser aux femmes. C'est un penchant que j'ai. Ne restons pas ici. Je dois aussi chercher à faire croire que je sens encore quelque chose, alors que je ne sens plus rien. Le monde ne fait plus que m'effleurer. Et c'est justice, car je m'aperçois que toute ma vie, je n'ai fait qu'effleurer le monde. Vous ne sentez plus rien? Il y a les mots que l'on dit et les actes que l'on fait sans y croire. Il y a les erreurs que l'on commet, sachant que ce sont des erreurs. Il y a jusqu'à l'obsession de ce qu'on ne désire pas. C'est l'ivresse de Noé. Je me suis lamenté tout à l'heure devant vous comme une bête. J'ai crié comme le vent. Croyez-vous que cela puisse s'accorder avec la foi dans la fonction royale? Pour faire le roi, Il faut une foi, du courage et de la force. Le courage, je l'ai. La force, Dieu me la donne. Mais la foi, ni Dieu ni moi ne peuvent me la donner. Je suis prisonnier de ce que j'ai été. Une des dames d'honneur de l'infante disait devant moi que l'infante était toujours crucifiée sur elle-même. Moi aussi, dans un autre sens, je suis crucifié sur moi-même, sur des devoirs qui pour moi n'ont plus de réalité. Je ne suis plus dans mon armure de fer. Mais où suis-je? Mais alors, pourquoi reprochez-vous à Don Pedro d'avoir une indifférence qui est la vôtre même? J'ai atteint l'âge de l'indifférence, Pedro, non. Que faire de sa vie si on ne s'occupe pas de ces sortes de choses? Aimer? Moi, je voudrais m'enfoncer au plus profond de l'amour partagé et permis, comme dans une tombe, et que tout cesse. Que tout cesse. Qui m'appelle? Quelqu'un qui te veut du bien. Quitte cette salle immédiatement. N'écoute plus le roi. Qu'il jette en toi ses secrets désespérés comme dans une tombe. Ensuite, il rabattra sur toi la pierre de la tombe pour que tu ne parles jamais. Je ne quitterai pas celui qui m'a dit « Je suis un roi de douleur ». Alors il ne mentait pas et je n'ai pas peur de lui. Comme tu aimes ta mort. Comme tu l'auras aimé, Inès, Inès, souviens-toi, les rois ont des lions dans le cœur, souviens-toi, la marque de la chaîne sur ton cou. Ah ! Je vous reconnais maintenant. Tu ne m'as jamais reconnu. Oh, il est affreux de ne pas savoir convaincre. Elle répète toujours le même cri, comme l'oiseau malurus à la tombée du soir sur la tristesse des étangs. Inès. Une dernière fois, éloigne-toi. Non, tu ne veux pas. Eh bien, toi aussi, à ton tour, tu ne pourras pas convaincre. Croit-il que je ne les entends pas qui chuchotent et s'enfuient? Ils disent que je délire parce que je dis la vérité. Et il croit qu'il s'enfuit par peur de mes représailles alors qu'il s'enfuit par peur et horreur de la vérité. Le bruit de la vérité les épouvante comme la crécelle d'un lépreux. Oh, mon roi, je ne vous abandonnerai pas parce que vous dites la vérité, mais moi aussi je vous dirai enfin la vérité totale que j'ai un peu retenue jusqu'ici. Oh, mon roi, puisque cette nuit est pleine de grandes choses, qu'enfin je vous en fasse l'aveu. Un enfant de votre sang se forme en moi. Un enfant? Encore un enfant. Ce ne sera donc jamais fini. Et que vous importe s'il trouble vos projets, puisque vous venez de crier que vous ne croyez plus à la fonction de roi. C'est ici que nous allons voir si vraiment vous étiez véridique. Encore un printemps à recommencer. Et à recommencer moins bien. Moi, qui aime tant d'être aimée, j'aurais fait moi-même un être dont il dépendra entièrement de moi que je me fasse aimer. Que je voudrais lui donner de sa mère une idée qui le préserve de tout, toute sa vie. Il s'agit d'être encore plus strict vis-à-vis de soi, de se sauver de toute bassesse, de vivre droit, sûr, net et pur, pour qu'un être puisse garder plus tard l'image la plus belle possible de vous. Tendrement et sans reproche. Il est une révision, ou plutôt une seconde création de moi. Je le fais ensemble et je me refais, je le porte, et il me porte. Je me fonds en lui, je coule en lui mon bien. Je souhaite avec passion qu'il me ressemble dans ce que j'ai de mieux. Et ce qu'il vous reprochera, c'est cela même, d'avoir voulu qu'il fût pareil à vous. Allez, je connais tout cela. S'il ne pense pas comme moi, il me sera un étranger. Lui? Qui est moi? Mais non, il est le rêve de mon sang ne peut pas me tromper. Le rêve, vous ne croyez pas si bien dire, vous êtes en pleine rêverie. Est-ce rêverie, cette chair que je crée de la mienne? Ah, cela est grisant et immense. On dirait vraiment que vous êtes la première femme qui m'est au monde. Je crois que toute femme qui enfante pour la première fois est en effet la première femme qui met au monde. Je n'aime pas la naïveté. Je hais le vice et le crime, mais en garde de la naïveté, je crois que je préfère encore le vice et le crime. Il me semble que je le vois dans 5 ou 6 ans. Tenez, il vient de passer en courant sur la terrasse. En courant? Mais il s'est retourné aussi. Mon petit garçon. Un jour, en passant, il ne se retournera plus. Mais qui vous a dit que c'était un garçon? L'astrologue? Oh, je le veux trop ainsi. Ah, je comprends qu'un second Pedro soit en effet une perspective enivrante. Oui, enivrante. Il s'appellera Dionys. Mon petit garçon oscille invraisemblable, à la fois beau et grossier, comme sont les garçons qui demandent qu'on se batte avec lui, qu'on danse avec lui, qui ne supportent pas qu'on le touche, qu'un excès de plaisir fait soupirer. Et s'il n'est pas beau, je l'aimerais davantage encore pour le consoler et lui demander pardon de l'avoir souhaité autre qu'il n'est. J'ai connu tout cela, comme il embrassait ce petit. On l'appelait Pedrito. Mais quelquefois, s'il dormait et qu'on lui murmura son nom, il disait dans son sommeil, « Pedrito, qui est-ce ?» Son affection incompréhensible. Si je le taquinais, si je le plaisantais, si je le grondais, à tout il répondait en se jetant sur moi et en m'embrassant. Il me regardait longuement, de près, avec un air étonné. Déjà ? Au commencement, j'en étais gêné. Ensuite, j'ai accepté cela. J'ai accepté qu'il connût ce que je suis. Il m'agaçait un peu quand il me faisait des bourrades. Mais lorsqu'il ne m'en a plus fait, car il est devenu un homme, c'est-à-dire la caricature de ce qu'il était. Vous aussi, vous verrez se défaire votre enfant. Jusqu'à ce qu'il n'en reste pas plus en vous que n'est resté cette page où, pour la première fois, le mien, à 5 ans, écrivit son prénom. Cette page que je conservais durant des années et qu'enfin j'ai déchirée et jetée au vent. Mais un jour, peut-être, si vous l'aviez gardée, en la revoyant, vous vous mettriez à pleurer. Non, car leurs mots ni leurs traits exquis ne sauve pas les êtres à l'heure des grands règlements de compte. J'accepte de devoir mépriser l'univers entier, mais non mon fils. Je crois que je serais capable de le tuer s'il ne répondait pas à ce que j'attends de lui. Alors, tuez-le donc quand il sortira de vous. Donnez-le à manger au pourceau, car il est sûr qu'autant par lui vous êtes en plein rêve, autant par lui vous serez en plein cauchemar. Sire, c'est péché à vous de maudire cet enfant qui est de votre sang. J'aime décourager. Et je n'aime pas l'avenir. Mais l'enfant qui va naître a déjà son passé. Cauchemar pour vous, cauchemar pour lui aussi. Un jour, on le déchirera. On dira du mal de lui. Allez, je connais tout cela. Comment est-il possible qu'on puisse dire du mal de mon enfant? On le détestera. On le détestera, lui qui n'a pas voulu être? Il souffrira. Il pleurera. Oh. Oh. Vous savez l'art des mots. Fait pour désespérer. Mais comment retenir ces larmes? Les prendre pour moi, les faire couler en moi. Moi, je puis tout supporter, je puis pleurer à sa place, souffrir à sa place. Mais lui, oh, que je voudrais que mon amour eût le pouvoir de mettre dans sa vie un sourire éternel. Déjà cependant, on l'attaque, cet amour, on me conseille, on me désapprouve, on prétend être meilleure mère que je ne suis, et voilà que vous, sire, mieux encore, sur cet amour, vous venez jeter l'anathème. Alors qu'il me semblait que si les hommes savaient combien j'aime mon enfant, peut-être cela suffirait-il pour que la haine se tarit à jamais dans leur cœur, car moi, tant que je le porte, je sens en moi une puissance merveilleuse de tendresse pour les hommes. Et c'est lui qui défend cette région profonde de mon être, d'où sort l'amour que je donne à la création et aux créatures. Sa pureté défend la mienne, sa candeur préserve la mienne contre ceux qui voudraient la détruire. Oh, vous savez contre qui, Seigneur? Sa pureté n'est qu'un moment de lui, mais elle n'est pas lui. Car les femmes disent toujours « Élevez un enfant pour qu'il meure à la guerre ». Mais il y a pis encore. Élever un enfant pour qu'il vive et se dégrade dans la vie. Et vous, Inès, vous semblez avoir parié singulièrement pour la vie. Vous êtes-vous regardée dans un miroir? Vous êtes bien fraîche pour quelqu'un que menace de grands tourments. Vous aussi, vous faites partie de toutes ces choses qui veulent continuer, continuer. Vous aussi, comme moi, vous êtes malade. Votre maladie à vous est l'espérance. Vous mériteriez que Dieu vous envoie une terrible épreuve qui ruine enfin votre folle candeur, de sorte que, une fois au moins, vous voyez ce qui est. Sire, inutile, croyez-moi, de me rappeler tout ce qui me menace. Quoi qu'il puisse paraître quelquefois, jamais je ne l'oublie. Je crois que j'aime en elle le mal que je lui fais. Je ne vous menace pas, mais je m'impatiente de vous voir repartir toute voile dehors sur la mer inépuisable et infinie de l'espérance. La foi des autres me déprime. Puisque votre majesté connaît désormais l'existence de mon enfant... Ah, en voilà assez avec cet enfant. Vous m'avez étalé vos entrailles et vous avez été chercher les miennes. Vous vous êtes servi de votre enfant à venir pour remuer mon enfant passé. Vous avez cru habile de me faire connaître votre maternité en ce moment et vous avez été malhabile. Si votre majesté me reproche de n'avoir pas été habile... Oui, je vous le reproche, mais laissons cela. De ce que vous m'avez dit, je retiens que vous croyez m'avoir surpris dans un moment de faiblesse. Quelle joie de pouvoir vous dire, comme font les femmes, tout roi qu'il est, il est un pauvre homme comme les autres. Quel triomphe pour vous. Mais je ne suis pas faible, Doña Inès. C'est une grande erreur où vous êtes, vous et quelques autres. Maintenant, je vous prie de vous retirer. Voilà une heure que vous tournaillez autour de moi comme le papillon autour de la flamme. Toutes les femmes, je l'ai remarqué, tournent avec obstination autour de ce qui doit les brûler. Est-ce que vous me brûlerez, sire? Oh, si peu que je vaille, il y a deux êtres qui ont besoin de moi. C'est pour eux qu'il faut que je vive. Et puis, c'est pour moi aussi. Oh oui, c'est pour moi. Mais votre visage est changé, vous paraissez mal à l'aise. Excusez-moi. Le tête-à-tête avec des gens de bien me rend toujours un peu gauche. Allons, brisons-la. Et rentrez au Mondego, rassuré. Ah oui, oui, vous ne me tueriez pas avant que je l'ai embrassé encore une fois. Je ne crains pour vous que les bandits sur la route à cette heure. Vos gens sont-ils nombreux? 4 seulement. Et armés? À peine, mais la nuit est claire et sans embûche. Regardez, il fera beau demain. Le ciel est plein d'étoiles. Tous ces mondes où n'a pas passé la rédemption. Vous voyez l'échelle? L'échelle? L'échelle qui va jusqu'aux cieux. Oh, l'échelle de Jacob, peut-être? Non, pas du tout. L'échelle de l'enfer aux cieux. Moi, toute ma vie, j'ai fait incessamment ce trajet. Tout le temps à monter et à descendre de l'enfer aux cieux. Car avec tous mes péchés, j'ai vécu cependant enveloppé de la main divine. Encore une chose étrange. Oh ! Il y a une étoile qui s'est éteinte. Elle se rallumera ailleurs.